Chapitre 13. La nuit fut paisible. Cependant, le samedi matin, en se réveillant, Kennedy se plaignit de lassitude et de frissons de fièvre. Le temps changeait. Le ciel, couvert de nuages épais, semblait s'approvisionner pour un nouveau déluge. Un triste pays que ce Zungomero, où il pleut continuellement, sauf peut-être pendant une quinzaine de jours du mois de janvier. Une pluie violente ne tarda pas à assaillir les voyageurs. Au-dessous d'eux, les chemins coupés par des nullahs, sorte de torrents momentanés, devenaient impraticables, embarrassés d'ailleurs de buissons épineux et de lianes gigantesques. On saisissait distinctement ces émanations d'hydrogène sulfuré dont parle le capitaine Burton. D'après lui, dit le docteur, et il a raison, c'est à croire qu'un cadavre est caché derrière chaque allier. Un vilain pays, répondit Joey. Il me semble que M. Kennedy ne se porte pas trop bien pour y avoir passé la nuit. En effet, j'ai une fièvre assez forte, fit le chasseur. Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick. Nous nous trouvons dans une des régions les plus insalubres de l'Afrique. Mais nous n'y resterons pas longtemps. En route. Grâce à une manœuvre adroite de Joey, l'ancre fut décrochée, et au moyen de l'échelle, Joey regagna la nacelle. Le docteur dilata vivement le gaz, et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort. Quelques huttes apparaissaient à peine au milieu de ce brouillard pestilentiel. Le pays changeait d'aspect. Il arrive fréquemment en Afrique qu'une région malsaine et de peu d'étendue confine à des contrées parfaitement salubres. Kennedy souffrait visiblement, et la fièvre accablait sa nature vigoureuse. « Ce n'est pourtant pas le cas d'être malade, » fit-il en s'enveloppant de sa couverture et en se couchant sous la tente. « Un peu de patience, mon cher Dick, » répondit le docteur Ferguson, « et tu seras guéri rapidement. »« Guéri, ma foi, Samuel, si tu as dans ta pharmacie de voyage quelques drogues qui me remettent sur pied, administre-la-moi sans retard, je l'avalerai les yeux fermés. »« J'ai mieux que cela, ami Dick, et je vais naturellement te donner un fébrifuge qui ne coûtera rien. »« Et comment feras-tu ?» C'est fort simple. Je vais tout bonnement monter au-dessus de ces nuages qui nous inondent et m'éloigner de cette atmosphère pestilentielle. Je te demande 10 minutes pour dilater l'hydrogène. Les 10 minutes n'étaient pas écoulées que les voyageurs avaient dépassé la zone humide. Attends un peu, Dick, et tu vas sentir l'influence de l'air pur et du soleil. En voilà un remède, dit Joey, mais c'est merveilleux. Non, c'est tout naturel. Oh, pour naturel, je n'en doute pas. J'envoie Dick en bon air, comme cela se fait tous les jours en Europe, et comme à la Martinique, je l'enverrai au piton pour fuir la fièvre jaune. Ah ça, mais c'est un paradis que ce ballon, dit Kennedy, déjà plus à l'aise. En tout cas, il y mène, répondit sérieusement Joey. C'était un curieux spectacle que celui des masses de nuages agglomérées en ce moment au-dessous de la nacelle. Elles roulaient les unes sur les autres et se confondaient dans un éclat magnifique en réfléchissant les rayons du soleil. Le Victoria atteignit une hauteur de 4000 pieds. Le thermomètre indiquait un certain abaissement dans la température. On ne voyait plus la terre. À une cinquantaine de milles dans l'ouest, le mont Rubeho dressait sa tête étincelante. Il formait la limite du pays d'Ugogo par 36 degrés 20 minutes de longitude. Le vent soufflait avec une vitesse de 20 000 à l'heure, mais les voyageurs ne sentaient rien de cette rapidité. Ils n'éprouvaient aucune secousse, n'ayant pas même le sentiment de la locomotion. 3 heures plus tard, la prédiction du docteur se réalisait. Kennedy ne sentait plus aucun frisson de fièvre et déjeunait avec appétit. « Voilà qui enfonce le sulfate de quinine, » dit-il avec satisfaction. « Décidément, » fit Joey, « c'est ici que je me retirerai pendant mes vieux jours. » Vers 10 heures du matin, l'atmosphère s'éclaircit. Il se fit une trouée dans les nuages, la terre reparut. Le Victoria s'en approchait insensiblement. Le docteur Ferguson cherchait un courant qui le porta plus au nord-est, et il le rencontra à 600 pieds du sol. Le pays devenait accidenté, montueux même. Le district de Zungomero s'effaçait dans l'est avec les derniers cocotiers de cette latitude. Bientôt, les crêtes d'une montagne prirent une saillie plus arrêtée. Quelques pics s'élevaient çà et là. Il fallut veiller à chaque instant aux cônes aigus qui semblaient surgir inopinément. « Nous sommes au milieu des brisants, » dit Kennedy. « Sois tranquille, Dick, nous ne toucherons pas. »« Jolie manière de voyager tout de même, » répliqua Joey. Enfin, le docteur manœuvrait son ballon avec une merveilleuse dextérité. « S'il nous fallait marcher sur un terrain détrempé, » dit-il, « nous nous traînerions dans une boue malsaine. Depuis notre départ de Zanzibar, la moitié de nos bêtes de somme serait déjà morte de fatigue. Nous aurions l'air de spectres, et le désespoir nous prendrait au cœur. Nous serions en lutte incessante avec nos guides, nos porteurs, exposés à leur brutalité sans frein. Le jour, une chaleur humide, insupportable, accablante. La nuit, un froid, souvent intolérable, et les piqûres de certaines mouches, dont les mandibules percent la toile la plus épaisse et qui rendent fou. Et tout cela, sans parler des bêtes et des peuplades féroces. « Je demande à ne pas en essayer, » répliqua simplement Joey. « Je n'exagère rien, » reprit le docteur Ferguson. Car au récit des voyageurs qui ont eu l'audace de s'aventurer dans ces contrées, les larmes vous viendraient aux yeux. Vers 11 heures, on dépassait le bassin d'Imingé. Les tribus éparses sur ces collines menaçaient vainement le Victoria de leurs armes. Il arrivait enfin aux dernières ondulations du terrain qui précède le Rubeho. Elles forment la troisième chaîne et la plus élevée des montagnes de l'Usugara. Les voyageurs se rendaient parfaitement compte de la conformation orographique du pays. Ces trois ramifications, dont le Dutumi forme le premier échelon, sont séparées par de vastes plaines longitudinales. Ces croupes élevées se composent de cônes arrondis, entre lesquels le sol est parsemé de blocs erratiques et de galets. La déclivité la plus roide de ces montagnes fait face à la côte de Zanzibar. Les pentes occidentales ne sont guère que des plateaux inclinés. Les dépressions de terrain sont couvertes d'une terre noire et fertile, où la végétation est vigoureuse. Divers cours d'eau s'infiltrent vers l'est et vont affluer dans le Kingani au milieu de bouquets gigantesques de sycomores, de tamarins, de calebassiers et de palmyras. « Attention !» dit le docteur Ferguson. « Nous approchons du Rubeho, dont le nom signifie dans la langue du pays « passage des vents ». Nous ferons bien d'en doubler les arêtes aiguës à une certaine hauteur. Si ma carte est exacte, nous allons nous porter à une élévation de plus de 5 000 pieds. Est-ce que nous aurons souvent l'occasion d'atteindre ces zones supérieures? Rarement. L'altitude des monts de l'Afrique paraît être médiocre relativement au sommet de l'Europe et de l'Asie. Mais en tout cas, notre Victoria ne serait pas embarrassée de les franchir. En peu de temps, le gaz se dilata sous l'action de la chaleur, et le ballon prit une marche ascensionnelle très marquée. La dilatation de l'hydrogène n'offrait rien de dangereux d'ailleurs, et la vaste capacité de l'aérostat n'était remplie qu'aux 3/4. Le baromètre, par une dépression de près de 8 pouces, indiqua une élévation de 6 000 pieds. « Irions-nous longtemps ainsi ?» demanda Joey. « L'atmosphère terrestre a une hauteur de 6 000 toises, » répondit le docteur. « Avec un vaste ballon, on irait loin. » C'est ce qu'ont fait messieurs Brioschi et Gay-Lussac. Mais alors le sang leur sortait par la bouche et par les oreilles. L'air respirable manquait. Il y a quelques années, deux hardis Français, messieurs Barral et Bixio, s'aventurèrent aussi dans les hautes régions, mais leur ballon se déchira. « Ils tombèrent ?» demanda vivement Kennedy. « Sans doute. Mais comme doivent tomber des savants, sans se faire aucun mal. « Eh bien, messieurs, » dit Joey, « libre à vous de recommencer leur chute, mais pour moi, qui ne suis qu'un ignorant, je préfère rester dans un milieu honnête, ni trop haut ni trop bas. Il ne faut point être ambitieux. » À 6 000 pieds, la densité de l'air a déjà diminué sensiblement. Le son s'y transporte avec difficulté et la voix se fait moins bien entendre. La vue des objets devient confuse. Le regard ne perçoit plus que de grandes masses assez indéterminées. Les hommes, les animaux, deviennent absolument invisibles. Les routes sont des lacets, et les lacs des étangs. Le docteur et ses compagnons se sentaient dans un état anormal. Un courant atmosphérique d'une extrême vélocité les entraînait au-delà des montagnes arides, sur le sommet desquelles de vastes plaques de neige étonnaient le regard. Leur aspect convulsionné démontrait quelque travail neptunien des premiers jours du monde. Le soleil brillait au zénith, et ses rayons tombaient d'aplomb sur ces cimes désertes. Le docteur prit un dessin exact de ces montagnes qui sont faites de 4 croupes distinctes, presque en ligne droite et dont la plus septentrionale est la plus allongée. Bientôt, le Victoria descendit le versant opposé du Rubeho en longeant une côte boisée et parsemée d'arbres d'un vert très sombre. Puis vinrent des crêtes et des ravins dans une sorte de désert qui précédait le pays du Gogo. Plus bas s'étalaient des plaines jaunes, torréfiées, craquelées, jonchés çà et là de plantes salines et de buissons épineux. Quelques taillis, plus loin devenue forêt, embellir l'horizon. Le docteur s'approcha du sol, les ancres furent lancées, et l'une d'elles s'accrocha bientôt dans les branches d'un vaste sycomore. Joey, se glissant rapidement dans l'arbre, assujettit l'ancre avec précaution. Le docteur laissa son chalumeau en activité pour conserver à l'aérostat une certaine force ascensionnelle qui le maintint en l'air. Le vent s'était presque subitement calmé. « Maintenant, dit Ferguson, prends deux fusils, ami Dick, l'un pour toi, l'autre pour Joey, et tâche à vous deux de rapporter quelques belles tranches d'antilope. Ce sera pour notre dîner. »« En chasse !» s'écria Kennedy. Il escalada la nacelle et descendit. Joey s'était laissé dégringoler de branche en branche et l'attendait en se détirant les membres. Le docteur, allégé du poids de ses deux compagnons, put éteindre entièrement son chalumeau. « N'allez pas vous envoler, mon maître !» s'écria Joey. « Sois tranquille, mon garçon, je suis solidement retenu. Je vais mettre mes notes en ordre. Bonne chasse et soyez prudent. D'ailleurs, de mon poste, j'observerai le pays et, à la moindre chose suspecte, je tire un coup de carabine. Ce sera le signal de ralliement. »« Convenu, » répondit le chasseur.